몰라세요. Le boss au réveil A Didi Dramira Mama la main Mama Nina Andri Allez un, deux, achetera La petite a ramené ses copines On vient pour faire danser ta voisine Dans pays y'a pas besoin de ton jean Aïe les mamans, les petites veulent du pays Y'a Nagana est dans la boîte C'est bizarre, moi j'avais lié avec J.R. J'ai chié la mélodie, si avec moi j'avais lié Batala, maudit, après les voisins vous détendez Batala, maudit, après les voisins Ils sont là pour critiquer, tout ce que tu fais ils vont parler Ils sont là pour dénigrer, ils vont jamais t'encourager Mais pour me rabaisser, ils sont toujours premiers Mais m'empêcher de briller, ils vont pas y arriver Parce que pour nous là c'est un haut La femme italienne a dit pour les milliardaires, tu vas vivre les riches, Charlie, Charlie la puissance, Junior Dollar, Ibrahim et Fama Djabate, Yanné Emmanuel Udri, et puis Fabé André, là-bas tu vas te faire péter un câble, là-bas tu vas te faire péter un câble, à Sana Capa, on guita, parlez de plop, chop, chop, chop, T'as beaucoup d'argent dans les mains